La délégation de la Banque centrale conduite par son président Kim Chung-un a quitté Pyongyang le 25 courant par vol pour participer à la 25e conférence internationale de banques prévue à Saint-Pétersbourg, Russie.